Et mourir sous tes lois. Nous savons que nous devons lever le voile pour nous savons que nous devons nous 区域，我们很少可能不太好做，然后不能做好。如果你这个话，我们传统的产品，不是说可以保持，可以传统，我们少量再做。那比如说你买法的，你可能只做法定产品，就可能就可能只像法定产品，不用什么。 我是一个四分的，我是我们这边四四的，就是这些就是四四的，四四的，我们后头来介绍的，他把这部分的都是我们中国的兄弟兄弟们的，我们的话是嘛，他把所有的事情，我们的大部分东西，我们的都是那个集体的那种那种什么的，我们的所有的我们的中国的兄弟们的，我们的公司部。 De conscience du citoyen. Tout cela qui pourrait, qui dans les consciences pourrait être manipulé par les gens pour s'exciter à la colère. Amen. Et poser des dégâts que nous pouvons voir. Nous allons prier que le Seigneur vienne empêcher qu'il y ait des manipulations de conscience et qu'il soumette les consciences et qu'il les Camerounais à sa Seigneurie. Amen. Et nous te supplions pour que tu nous fasses. Nous avons touché le cœur, si à l'instant, nous avons été excités à la joie, au jeté, au casse, au prions, Seigneur, au nom de mon roi. Nous avons Seigneur, au nom de mon roi. Nous avons Seigneur, au nom de mon roi. Que c'est la présence, et que Seigneur, au nom de la paix, Seigneur, ça ici, après que tu nous tiens, jamais pour Dieu. Et de recevoir des balles au nom du mon roi. Bien-aimés, continuons à prier pour tous les cœurs qui ont été blessés d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur restaure ce cœur. Amen. Père de grâce, nous continuons à aider de la voix au Seigneur qui supplie en terre. Afin, Seigneur, au nom du combat, nous restons, Seigneur, des cœurs, Seigneur, au nom du combat. Nous demeurons plus de voix, d'une manière continue, Seigneur, en suppliant. Apporte la restauration dans ce cœur, Seigneur, que j'ai tant de Seigneur, tout ce qui est pour la restauration à son œil, chacun de la joie, au nom du combat. La parole de Dieu, au nom du combat, ceux qui se sont sentis blessés, au nom du combat. Dans ces ressources, restaure quand j'appelle ce que j'appelle par haut lieu, c'est, n'est-ce pas, les hôtels sataniques dans cette nation, partout là où ils ont construit, n'est-ce pas, les hôtels sataniques dans cette nation. Nous allons prier que la main de l'Éternel puisse, n'est-ce pas, anéantir et détruire ce lieu. Si nous croyons que cela est possible, cela sera fait. Amen. Élevons la voix, bien-aimée. Père de grâce, nous venons bien et donner la voix, Seigneur, pour notre nation, afin que celui-là, mon Dieu, mon roi, soit au Seigneur des temps de ta main, de puissance dans cette nation, pour détruire, Seigneur, ces hôtels sataniques, toi qui sais partout. Sur les collines, sur les monts, ô mon Dieu, mon roi, dans les hôtels, ô Père de grâce, dans les rocs, mon Dieu, dans les chapeaux, les carrefours, papa, les hôtels, ô mon Dieu, des abeilles, à Moloch, ô à Bâle, ô mon Dieu, mon roi, comme dans les chapeaux, dans les chapeaux, ô mon Dieu, mon roi, ô détruis ces choses, ô mon Dieu, mon roi, détruis ces choses qui attirent ta colère, détruis ces choses, ô mon Dieu, mon roi, afin que Seigneur, la confusion, c'est dans le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, en temps sombre, oh, glorifiant votre sang, et laissez-nous que nous nous la gloire de au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la sainteté et dans la marche chrétienne, tout obstacle qui nous a fait avancer, soit ôté en ce jour au nom de Dieu. Prions. Père de grâce, nous venons à toi, Seigneur, nous savons que tu es. Ô Seigneur, fléchis les genoux de nos cœurs devant de toi, Seigneur, au nom du monde. Afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, ôter, Seigneur, toute embûche devant de nous, Seigneur, que tu nous empêches, ô mon Dieu, ô Dieu, de pouvoir avancer dans la sainteté au-devant de toi. De sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos pensées,